Alors, il semble y avoir pas grand monde ou un retard de gens, je pense, puisqu'il y a pas mal de gens qui étaient intéressés. Je vous propose que pour faire durer un peu le temps, on commence par un petit tour de présentation. Donc, moi, c'est Axel, de Toulouse, de la Scénar History. Voilà. Bien, moi c'est Marc, je suis de Bruxelles. Moi, c'est Cécile Zandera sur Facebook. Je suis de Toulon. Alors, moi c'est Théo de la Scénar History, donc de Toulouse également. Et moi, c'est Benoît de Liège. Alors, je vous parle actuellement de Finlande. Du coup, on est certes 6, mais on est dans 3 pays différents. C'est pas mal. Bonsoir et bienvenue donc à cette 30e réunion de formation des apprentis méchants. Je voudrais commencer cette introduction en déformant une phrase célèbre que j'aime particulièrement. Nous voudrions faire le mal et nous voudrions le faire bien. Ce soir, nous allons explorer une face sombre du GN, voyageant sans doute entre l'empereur Néron et les Daleks, en passant par Steve du bureau d'en face qui a demandé ses congés aux mêmes dates que moi. Le milieu du GN est vaste et extrêmement diversifié, offrant aux joueurs de nombreuses facettes, permettant des relations tant d'inimitié que de haine et d'affrontement, qui, parmi d'autres encore, peuvent être identifiés comme le mal par des antagonistes ou des protagonistes. Ce soir, nous essayerons donc d'explorer tant le manichéen fictionnel que le spectre de la perception morale des actions humaines. Il s'agit d'un sujet vaste. Et pour citer l'article d'Éline Dastal, qu'Axel a partagé plus tôt, il est impossible d'explorer toutes les possibilités de méchanceté envers des joueuses tant elles sont nombreuses. Ce soir, donc, ce que je vous propose, c'est de nous poser trois questions plus ou moins vastes avant d'essayer de répondre à la question principale qui, je le rappelle, s'intitule Faire le mal en GN, jusqu'où peut-on aller? Ceci, afin de fournir une structure d'argumentation et de réflexion évolutive, et moins chaotique que celle proposée par l'ex-Luthor à la Legion of Doom, qui, rappelons-le, n'a jamais rien réussi. La première question, l'étape fondatrice, sera de définir le cadre dans lequel le mal peut se retrouver. Non pas dans sa forme détaillée, comme expliqué plus haut, mais bien dans un type de contexte au travers duquel on pourrait percevoir le mal. En bref, que faut-il mettre en place pour que ses actions et ses interactions aient un impact? La deuxième question se posera alors sur cet impact. Comment et quand définir l'impact recherché et ses implications, ses conséquences? Et enfin, la troisième se posera par rapport aux conséquences mêmes. Quelles conséquences sont-elles envisageables, utiles au jeu et sécurisées? Ces trois questions vont être mises dans la discussion sur le salon de manière synthétisée afin que vous ayez un appui pour étayer votre argumentation. Sur ce, je vous laisse la parole. Bon, ben, puisque personne n'a l'air de se lancer, je vais commencer. Alors, je ne suis pas une spécialiste de philosophie ou du mal ou de philosophie ou de sociologie, mais la notion de mal s'inscrit toujours dans un contexte. Les mêmes choses ne sont pas mauvaise dans toutes les sociétés, rien que pour donner un simple exemple historique, il y a pas si longtemps, et même pour certaines personnes aujourd'hui, l'homosexualité, c'est le mal absolu, alors que je pense que pour les gens qui sont ici et pour une partie, j'espère, assez importante de la société, ça ne l'est pas. À partir de là, en fait, définir le mal, ça revient à définir les normes morales d'une société et ce qui est acceptable ou non. Même s'il y a des choses qui seront assez universellement considérées comme mal par et cela pas parce que c'est mal dans un sens absolu par essence, mais parce que c'est tellement ancré chez nous que ces choses-là sont mal que dans n'importe quel contexte, on considérera quand même que c'est mal. Typiquement, le meurtre gratuit ou s'en prendre à des enfants, ce genre de choses. Voilà, c'était pour ouvrir un petit peu le débat. Je laisse la parole. Alors effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Cécile. Il y a un espèce de paradoxe dans le fait de parler de mal, puisqu'effectivement, celui-ci n'est pas absolu, en fait. Et pourtant, quand on imagine un personnage mauvais, un vilain, on pense pas nécessairement, je pense, à ses actes, puisqu'on va finalement justifier les mêmes actes pour un personnage qui va être plutôt du côté du bien. Il y a des héros comme Batman, par exemple, qui ont des actions tout à fait répréhensibles et qui pourtant restent du côté du bien, du moins dans l'imaginaire qu'on en a, même si c'est plus compliqué que ça sur pas mal de choses. Donc en fait, la question, c'est pas finalement de jouer un personnage, c'est pas toujours en tout cas de jouer un personnage qui va faire le mal, mais c'est un personnage qui va être à même d'incarner le mal. C'est quand même une question qui se pose de façon assez critique, parce que si on peut tous imaginer en GN comment on va faire des mauvaises actions, le GN c'est quand même un endroit où nos actions n'ont pas de conséquences, donc en fait on commet un peu tout le temps des actions qui seraient répréhensibles parce que pleines de conséquences dans la vraie vie. Par contre, au-delà de ces actions mauvaises qu'on peut faire, incarner le mal, ça paraît quelque chose de beaucoup, beaucoup plus compliqué à appréhender. Alors, je vais un peu rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, et je pense qu'il y a déjà pas mal de choses concernant la question du qu'est-ce que le mal qui vient d'être posé, et en le mettant surtout en question c'est une question de point de vue. On pourra citer cette grande philosophe que certains connaissent parmi nous, on est tous le gentil de sa propre histoire. Mais voilà, c'est un petit peu le concept de pouvoir dire, effectivement, en fonction des points de vue et des situations de chacun, eh bien, on est tous finalement, on se positionne, on est juste côté du mal par rapport à un certain point de vue. D'un point de vue, par contre, quand on pense le mal au niveau jeu et dans le cadre d'un jeu de rôle grandeur nature ou d'une autre fiction, je trouvais l'exemple de Batman bien pris, mais je vois aussi parfois aussi le mal la volonté de vouloir incarner le mal, c'est d'avoir un peu ce mal épique, quitte à ce qu'il ne soit pas crédible finalement, mais simplement voilà, dans le cadre d'une aventure, on a envie de vivre quelque chose de grandiose, quelque chose d'une épopée incroyable, même pour parfois avoir un méchant qui est juste méchant, qui est juste le bon antagoniste. Et ben finalement, est-ce que c'est si mal d'avoir un méchant qui n'est pas tout à fait crédible sur le fond, mais qui sur la forme donne envie de s'y opposer. Au niveau des conséquences, finalement, on se pose. Moi, je me pose un peu la question de se dire, on a soit effectivement le mal qu'on pourrait identifier comme étant un mal un peu subtil, en se disant, tiens, est-ce qu'il est vraiment méchant? Non, pas tout à fait. En fait, c'est une question de point de vue. Soit alors le mal épique. Alors là, on va plus sur du ludique, donc opposer peut-être le ludique à le ludique, le narratif à du cohérent. Là, tout ça, moi, ça me pose la question de l'intérêt de faire jouer, donc on va dire plutôt des personnages qui incarnent le mal que du mal en général, parce que là, on est plutôt sur les personnages. Donc, l'intérêt d'un personnage qui incarne le mal, c'est donc là, de ce qui a été dit précédemment, avant tout de fournir un antagoniste aux autres personnages. Donc là, on se situe plutôt du côté des PNJ. Mais en même temps, c'est très intéressant de mettre des antagonismes internes. Et dans ce cas-là, ceci, et même pour les PNJ d'ailleurs, le méchant épique, pour reprendre ce qui a été dit, ça peut être extrêmement frustrant à jouer. J'ai eu plusieurs exemples je ne l'ai pas vécu personnellement, mais plusieurs personnes m'ont raconté qu'ils devaient incarner un personnage méchant. Ils ont bien mené leur barque, ils ont bien mené leurs intrigues pour amener les choses où ils voulaient. Et là, les orgas leur demandent pour un event de faire une grande révélation. Moi, haha, en fait, je suis méchante, je vous ai tous eu. Alors que c'est stupide par rapport à tout ce qu'a fait le personnage, par rapport à la personnalité qui a été construite du personnage. Donc, même si on cherche à construire des aventures épiques, personnellement, je ne supporte pas le manque de cohérence interne. Je pense qu'on peut très bien faire des personnages avec vraiment mauvais, avec une cohérence interne, même si celle-ci peut reposer sur des choses qu'on peut trouver illogiques. Il y a là, par exemple, il y a eu récemment le film Infinity Wars avec Thanos, qui est un archétype du grand méchant. Bon, dans le film, sa motivation est un petit peu stupide. Mais en tout cas, c'est sa motivation. Il a une raison de le faire et il est logique dans sa façon d'agir pour atteindre son but. Dans le comics, sa motivation est plus mystique puisqu'en fait, il est amoureux de la mort et donc ben, il massacre les gens pour rendre hommage à la mort. Mais donc voilà, on est dans du épique, mais avec une cohérence interne. Oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Je vais encore rebondir dessus un petit peu parce que la parole est libre. Mais un vilain, un méchant, ça se construit pas, comme tu le dis, sur juste le fait d'être vilain. Il faut des raisons pour être vilain et il faut que, notamment si le personnage est joué par un joueur ou une joueuse et n'est pas un personnage non joueur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse un petit peu le squelette de ce personnage-là. Auquel cas, on peut imaginer d'une façon très, très relativiste, que le GN soit simplement conçu avec des antagonistes qui incarnent l'un pour l'autre le mal, voire même plusieurs, encore d'autres factions. On peut même imaginer qu'il y ait une construction externe du mal, c'est-à-dire, en fait, il y a peut-être schématiquement deux façons d'être mauvais, la façon mythique, épique, où finalement il va y avoir toute une élaboration autour de la personne, autour du personnage, qui va rendre celui-ci particulièrement détestable, en dépit peut-être de ses actes, mais en tout cas dans la légende, il se retrouvera incarné une forme de mal absolu. Ce qui peut même être le produit d'une propagande de la part de la faction adverse. Et on peut avoir tout à fait l'inverse, c'est-à-dire à l'intérieur de la faction de ce méchant absolu, il y a une construction adverse de l'autre faction comme le mal, etc. C'est un mécanisme de propagande très classique qui finalement, là, rend le fait d'incarner un méchant presque, comment dire, on n'est même plus dans l'incarnation d'un méchant. Là. On est dans la revendication en jeu de quelque chose qui n'est pas manichéen, où soi-même on va se laisser prendre en tant que personnage à ce jeu-là de l'autre est le mal et moi je suis le bien, tout en étant conscient en tant que joueur ou joueuse que ce mal et ce bien sont entièrement relatifs et liés à la situation géopolitique, j'ai envie de dire. Du coup, tu as fait un magnifique prélude à ce que je voulais dire. Je voulais parler de propagande et de la construction d'un méchant par voilà et par justement l'image que donne une faction adverse. Le méchant, en fait, est très intéressant de ce point de vue-là, du point de vue de la propagande, parce que justement, on peut construire des méchants qui ne sont pas les mêmes en fonction des factions, et ainsi de suite avec l'outil des backgrounds, l'outil des personnages qui jouent bien le jeu, de dénigrer la faction d'en face. Et au final, on peut même avoir des méchants qui, au final, sont des faux méchants, mentis, des méchants à demi-teinte pour l'autre faction, mais pour une faction, c'est le mal absolu, et ce genre de choses. Et c'est en fait la base de construction, si on revient au GN, d'un jeu PVP, quoi, donc joueur contre joueur. où voilà, l'avantage d'un jeu manichéen, c'est qu'on peut en général faire une opposition avec de l'organisation. Donc, c'est-à-dire, l'organisation va sortir immédiatement des personnages non-joueurs, des grands méchants, des grands boss avec beaucoup de statistiques pour les médiévales fantastiques ou pour un jeu politique, quelqu'un de très très puissant ou ce genre de choses. Mais sur un jeu plus d'opposition, on peut avoir en fait toute une, que des méchants, en fait, que des joueurs un peu méchants, mais qui sont méchants que d'un point de vue de certains personnages et en fonction de la propagande. Et en fait, c'est toute une construction de jeu, tout un jeu peut se bâtir sur le fait qu'il y ait des méchants. Voilà. Alors, je vais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. Déjà, je pense quand même qu'il est possible de faire des méchants épiques, comme cela a été dit, avec des motivations qui sont... Enfin, l'héroïque des adorateurs et c'est le mais à eux et donc ça doit détruire pour eux servir ce dieu là reste justifié. Donc voilà, l'important c'est que ça soit justifié, mais derrière ça on peut partir quand même, je pense, sur des choses épiques et reconnu quand même par l'ensemble des autres factions et pas seulement par de la propagande comme quelque chose de négatif. Sinon, l'autre chose à laquelle je vais penser, dans un cadre un peu plus réaliste, une façon très simple de faire un personnage méchant, c'est simplement de faire quelqu'un pour qui la fin justifie les moyens. Ça, c'est le... Et bon, bah, si la fin à atteindre est considérée par le personnage comme très, très, très importante, il va accepter de faire des choses moralement très réprouvées. Mais en effet, comme cela a été dit par Théo, je pense aussi que c'est plus intéressant de mettre les joueurs en opposition... avec pour chacun l'autre camp est mauvais, et tout ceci basé sur une rareté des ressources, rareté du territoire ou des choses comme ça, qui font que sa propre survie est en jeu, l'autre la met en danger par son existence, et donc il est le méchant, et réciproquement. Alors, moi, je voudrais vous emmener vers une réflexion peut-être plus spécifique, dans le sens où, pour l'instant, la discussion se dirige surtout vers des méchants proposés, notamment les méchants épiques dont on parlait, tout ça. Et la seule mention qui est faite dans les GN plutôt réduits est celle d'une opposition d'un joueur par rapport à un autre. Je voudrais revenir un peu plus là-dessus, vous proposer peut-être de réfléchir à la manière dont on peut être un méchant moralement réprouvé, comme on vient de le proposer, mais dans un cadre vraiment flou, quelque part, dans ces gènes où justement on va travailler sur les émotions de chacun et où l'impact... sur les émotions est important. Comment va-t-on retrouver ce contexte et ces méchants? Qui va vraiment devenir méchant quelque part? Comment définir quelle est la morale qui va l'emporter pour définir vraiment ce méchant? Alors, il me semble que c'est à moi. Simplement pour exemplifier un petit peu les choses qui ont été dites auparavant, parce que ça me paraît intéressant de mettre des noms ou de mettre des images un petit peu sur les concepts dont on parle. Le jeu de propagande, le jeu de faction, il me semble qu'il s'incarne pas mal dans le jeu de gang. Je pense à Gang of New York auquel j'ai pas participé, mais voilà, ce jeu de cohabitation forcée entre des gangs qui ont clairement pas envie de cohabiter ensemble avec des frictions, du racisme, des choses comme ça. Il me semble que c'est un petit peu le thème de Gang of New York. Ensuite, concernant ce que tu disais, Cécile, sur les jeux où le méchant est méchant parce que la fin justifie les moyens, là, on est clairement sur la figure du révolutionnaire, en fait, avec un personnage qui est prêt à tout pour atteindre ses buts. J'ai pas spécialement d'exemple de GN là de suite, par contre, je pense, et je pense que sur la question du mal en général, ça peut vraiment nous aider. Je pense à la série The Man in the High Castle, qui est vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une série adaptée du roman éponyme de Philip K. Dick, qui présente une dystopie dans laquelle le Japon fasciste et les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on a donc l'occupation des États-Unis par ces deux factions antagonistes, antagonistes et alliées à la fois, enfin. Et il y a quelque chose de très très puissant dans cette série, c'est que on est capable de ressentir vraiment de l'empathie et de la sympathie pour des nazis. Et à l'inverse, on est capable de trouver absolument intolérables les méthodes des révolutionnaires. Enfin, il y a quelque chose qui est très très bien dans cette série, je trouve, c'est justement la gestion du non-manichéisme et la gestion de le mal n'est pas absolu, le mal est toujours à remettre en contexte. Flûte, cette dernière intervention chamboule tout. Pour peut-être rebondir sur ce que disait avant Marc sur la question de jouer le mal dans un contexte flou et plus générique, je pense justement que si à un moment il y a un besoin de jouer le mal et de pouvoir incarner des personnages fondamentalement méchants, il y a un besoin justement de contexte et il y a un besoin de normes fixées, ne serait-ce que des normes sociétales dans lesquelles les personnages évoluent fixées. Si on joue dans quelque chose, pour moi, de trop flou, ben alors justement, la seule chose sur laquelle les joueurs vont pouvoir se rattacher, ça va être ben, en fait leur propres normes, leurs propres normes hors jeu. Et donc alors dans ce cas-là, on se retrouve dans un comment est-ce que je vais dire ça? Une sorte de bleed entre les actions les actions mauvaises ou non du personnage et en fait la morale qui elle n'est pas la morale du personnage mais la morale du joueur. Et donc pour moi, le contexte est particulièrement important, surtout si on veut que ça ne dérape pas dans le pire des cas. Alors moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Axel. Personnellement, en jeu, je trouve ça toujours plus intéressant, moi aussi, qu'il n'y ait pas de manichéisme, que les choses soient nuancées. Et bon, sans spoiler Le Silence de la Neige, puisqu'ici, il y a des gens susceptibles de le jouer, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire. Il n'y a aucun personnage qui est totalement bon, totalement mauvais. Donc c'est un contexte de Seconde Guerre mondiale avec des soldats allemands. Donc, quand même, contexte qui est facilement manichéen et j'ai voulu aller contre ce manichéisme car derrière des choses qui sont considérées comme moralement réprouvables, il y a toujours une justification interne et un être vivant avec des émotions, avec qui n'est quelqu'un qui n'est pas unitaire, enfin qui n'est pas sur une seule ligne de conduite, mais qui peut avoir fait le mal à un moment et le bien à un autre. Et pour la construction de personnages dits méchants, je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce soit des personnages en teinte de gris, pour que si ce personnage se retrouve confronté par les autres face par rapport à ce qu'il a fait, il y a quand même des gens qui disent oui, mais il a aussi fait ça, qu'on se rappelle que c'est un humain. Mais alors, il est 18h59, donc je vous propose d'avoir encore une ou deux interventions sur cette question-là, et puis nous enchaînerons avec la deuxième question. Oui, et il y a aussi une distinction qui se fait assez souvent. C'est la distinction entre méchant et ennemi. Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeux d'opposition qui n'est pas particulièrement parce que on a construit tel truc comme vraiment un grand méchant ou on a montré une personne comme vraiment néfaste, ce genre de choses. Des fois, il y a juste un joueur ou un PNJ qui va être déclaré comme néfaste par les joueurs un peu dirigeants, un peu influents. Et dans ces cas-là, ça va vite devenir un ennemi numéro un, entre guillemets. Même s'il n'est pas particulièrement méchant, même s'il n'a pas particulièrement fait quelque chose, c'est la décision populaire et la décision des responsables. Donc voilà, c'est il y a ça aussi, c'est la distinction entre l'ennemi et le méchant à voir. Eh bien, je pense que ça fait une transition pas mal, tu nous diras, Marc, vers la deuxième partie. Mais effectivement, là, tu parles de distinguer la figure de l'ennemi et la figure du méchant. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le but, c'est de distinguer la figure de l'ennemi de la figure du méchant ou de l'assimiler ? Par exemple, si on est dans un contexte de fantasy assez manichéen, avoir un grand méchant, toute ressemblance avec des faits réels étant purement fortuite, on peut totalement avoir un méchant qui est à la fois l'ennemi et le mal avec des majuscules à tous les mots. Par contre, si on veut installer une ligne totalitaire avec un culte de la personnalité, si on veut faire quelque chose qui a pour but de présenter un peuple opprimé face à un dictateur qui va être à la fois un allié dans le sens où un dictateur peut être un allié en fait pour son peuple, question de protectionnisme, etc. Et en même temps incarner la figure du mal, c'est tout à fait différent que si on a une assimilation ennemie mal. Et encore, en allant encore plus loin, ou enfin encore dans un autre but, si on veut faire passer le message « tout le monde peut être méchant », par exemple, avec des questions de collaboration, avec des questions de harcèlement quotidien, avec des figures du mal beaucoup plus micro, eh bien, on va pas déployer les mêmes mécanismes. Donc, je pense qu'effectivement, il faut poser la question du but. Et il me semble que c'est la partie 2 traite précisément de l'impact recherché, donc du but visé dans la mise en place de personnages, soit par les orgas, soit par les joueurs et joueuses elles-mêmes. Du coup, je vais redire la deuxième question, donc, qui se pose donc sur l'impact, sur le but recherché, comme ça a été dit. Donc, comment et quand définir cet impact recherché, ses implications et ses conséquences, du coup? Alors, bon, ça dépend beaucoup du type de jeu, de format. Sur un grand jeu manichéen, ça va être simplement de fournir l'antagoniste abâché lors du combat final. Sur des jeux plus réalistes, plus sur les émotions, la présence d'un personnage négatif qui généralement aussi a une forme de pouvoir, mais une pression crée de la peur, qui est un ressort très intéressant à explorer en GN, même si bien sûr il faut toujours prévenir à l'avance dans la note d'intention, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu par tout le monde. Quels sont les autres impacts de la présence d'un personnage mauvais, ça peut amener à se poser des questions, à remettre en cause un ordre établi, puisque si ce méchant n'est... Le personnage peut apparaître comme le méchant au départ, mais en fait, poser des bonnes questions et amener des réflexions. Voilà, ce sont les premières idées qui me passent par la tête pour répondre à la question. Alors, je vais tout à fait enchaîner sur ce que vient de dire Zandera. En effet, donc tout ce qui est remise en question et ce genre de choses, ça remet en question une idéologie et une morale. Enfin, le méchant a vraiment cet intérêt. Donc, soit on le présente comme étant ennemi, on va dire, pour reprendre les termes que j'ai dit avant. Et donc, dans ces cas-là, les joueurs n'ont pas, en quelque sorte, à interagir avec lui autrement qu'en s'opposant à lui ou en lui donnant des coups d'épée dessus, si on est dans un GN médiéval fantastique, typiquement. Mais aussi, ça peut, un méchant, entre guillemets, quelqu'un, un personnage un peu mauvais, un peu machiavélique, un peu, voilà, avec des traits qui vont contre la morale occidentale, disons. Il y a des joueurs qui vont sans doute trouver un intérêt à s'allier avec lui, qui vont commencer à discuter, qui vont le comprendre, et qui vont en fait devenir ses alliés. Donc, et ces joueurs vont donc devenir un peu méchants aussi du point de vue des autres et ce genre de choses. Et en fait, ça va créer une opposition, ça va créer une tension qui est très très intéressante pour la durée du jeu. En fait, voilà, c'est à partir du moment où il y a une opposition, c'est une source de jeu quasi infinie et bon, en général très très chaotique parce que l'organisateur ou l'auteur a beaucoup de mal à savoir où ça va aller. Mais par contre, c'est quand même toujours très intéressant et souvent il faut juste laisser faire le jeu et ça peut bien se passer. Donc typiquement sur un médiéval fantastique, personnage de type magicien noir ou oui voilà, ou divinité chaotique qui propose des dons qui améliorent le personnage, qui voilà, ou qui enrichissent le personnage, ce genre de choses. Et là, c'est. Mais par contre, clairement, en voyant que à côté, si on adhère à la pensée, ben peut-être que on va se faire corrompre, on va aller pas forcément dans la bonne direction du point de vue géopolitique, ainsi de suite. Mais bon, c'est le gain personnel intervient avant ou le gain idéologique. Ça peut arriver comme ça sur un jeu de plus politique. Si l'idéologie correspond plus, le gain idéologique va être supérieur au gain du plus grand bien commun, on va dire. On pourrait voir comme on le voit souvent dans un GN. En tout cas, ça fait de l'opposition et c'est intéressant pour le but. Voilà. Alors, à nouveau, ce que je voulais amener a déjà été amené précédemment. Je n'ai pas, pas ajouté à ça. Juste peut-être, on a beaucoup parlé, je trouve, du fait d'amener un méchant de la part de l'organisateur. Donc, l'organisateur amène un antagoniste, amène. Ou écrit le rôle d'un personnage méchant. Là où je trouve peut-être intéressant aussi de se poser des questions et d'amener la réflexion, c'est aussi sur dans le cadre de background libre, donc où l'organe ne précise, enfin ne distribue pas de rôle ou ne le coécrit pas nécessairement avec le joueur, donc il laisse le joueur amener lui-même ce qu'il entend. C'est le cas par exemple souvent des mass LARP. Du coup, je trouve la question intéressante à poser, c'est pourquoi est-ce qu'un joueur décide de jouer un personnage qu'il considère comme étant mauvais, et du coup, qu'est-ce qu'il recherche à travers ça et quel est l'impact? Alors, c'est une question très intéressante. Puisque je suis la prochaine puisque personne n'était sur la liste, j'ai bien peur de ne pas pouvoir aller me renseigner davantage en me référant à l'article que je vous ai envoyé ce matin pour y répondre. Mais effectivement, la question se pose. Je voulais simplement parler donc de la question des méchants presque d'ambiance, c'est-à-dire des méchants qui n'ont pas une valeur d'antagoniste, qui sont un méchant à l'intérieur d'une famille, quelqu'un qui est antipathique, désagréable, qui finalement n'est pas un super vilain, mais qui est un vilain tout à fait ordinaire, comme on en connaît tous. Et ça, finalement, peut-être que, en tout cas moi, en tant que joueuse, c'est quelque chose qui me parle assez, en fait, c'est-à-dire jouer un personnage qui va apporter une texture scénaristique par le fait que, contrairement à peut-être la majorité des joueurs d'une même famille ou d'une faction, etc., il n'est pas là pour le bien commun. Il est là pour lui-même tout seul. Ça va être quelqu'un de peut-être d'égoïste ou il a des griefs, des choses qu'il reproche à des gens et ils veulent faire peser fortement, etc. Donc, dans une optique de drama, dans une optique d'intrigue aussi, je pense que ça peut être intéressant à l'intérieur d'un groupe de joueurs et joueuses qu'il existe des méchants d'ambiance, comme je viens de les appeler un peu abusivement. Moi, je voudrais revenir sur la question que posait Barreau par rapport au background libre et l'impact recherché par le joueur. Ce que je trouve, c'est une question très, très intéressante parce que alors on approche de méchants qui peuvent être définis non pas par une volonté effectivement de fournir un antagoniste, mais bien dans le cadre d'expériences sociales. C'est typiquement du bleed-in, puisque le joueur va vouloir tester quelque chose socialement qu'il va imposer aux autres joueurs, aux autres personnages, au travers du sien. Je parle de volonté, de contrôle, de dominance, ou simplement d'expression de colère qui à travers laquelle le joueur va vouloir observer la réaction des autres et donc définir quelque part l'impact qu'il peut avoir par rapport à ce qu'il essaie d'éprouver. Alors c'est toujours un peu toujours les questions différées, mais c'est pas grave. Je vais plutôt rebondir avant de rebondir sur ce que dit Marc sur la question de bah justement du méchant d'ambiance qui donne du relief. Je pense qu'effectivement d'un point de vue narratif et d'un point de vue esthétique, ça peut être effectivement très très chouette d'avoir ce genre de personnage. Maintenant, souvent, et ça se passe plutôt dans les jeux plus réduits, le problème avec ce genre de personnages, c'est qu'ils sont très rapidement étiquetés et donc ah, c'est le méchant ou c'est un méchant. Et donc on se retrouve avec des personnages qui sont très vite isolés finalement. Mais donc isolé, ça veut aussi dire isolé physiquement parce que les joueurs ont une morale différente et donc les personnages ont une morale différente pardon et donc ne se tournent plus vers ce personnage méchant même méchant d'ambiance et puis aussi au niveau du plaisir du jeu du joueur puisque ben, lui aussi va avoir du mal à pouvoir se raccrocher plus loin à l'intrigue et donc je pense que c'est un exercice qui demande vraiment beaucoup de finesse pour être mis en place et de ne pas faire un personnage, on le disait déjà tantôt, pas un personnage complètement noir, mais peut-être un peu teinté de gris. Ça peut être le personnage sur lequel on ne le suit pas sur deux, trois, quatre de ses idées, mais qu'on peut s'entendre avec lui sur d'autres points où il est plus en phase avec la morale du reste du groupe, quoi. Donc voilà, exercice personnage intéressant, effectivement, pour donner du relief, mais attention du coup au plaisir de jeu et à le faire, à mettre ça en place avec Sinès, du moins je pense. Alors, le personnage méchant dans le sens désagréable, méchant de tous les jours, qui se retrouve isolé, pour moi, je l'ai déjà vécu, mais pour moi, ça vient d'un problème d'écriture. Si des organisateurs décident de mettre un personnage comme ça dans le jeu, ils doivent prévoir le coup et prévoir des choses qui vont forcer les interactions. Que ce personnage est incontournable pour certaines choses, que ce personnage a un pouvoir, une autorité qui fait que lui peut aller voir les autres et les autres sont obligés d'accepter de lui parler. Il y a plein de moyens de contourner ça. Mais voilà, le personnage négatif isolé, je l'ai déjà vécu et vraiment, c'est pour moi, ça relève de l'erreur des organisateurs ou éventuellement si d'une surinterprétation, mauvaise interprétation, ça peut aussi arriver. En plus, un personnage désagréable, méchant peut être en teinte, lui aussi teinté, c'est-à-dire qu'il peut avoir en même temps un comportement très désagréable et, contrairement à ce que proposait Axel tout à l'heure, œuvrer pour le bien commun, donc un Dr House en quelque sorte. On peut avoir aussi des personnages comme ça. Ensuite, sur la question pourquoi vouloir jouer un méchant, je pense déjà l'une des raisons premières qui amène les gens à avoir envie de jouer des personnages plus ou moins négatifs, c'est l'aspect cathartique. C'est pouvoir avoir l'occasion de défouler des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Moi, j'aime bien faire des personnages pour qui la fin justifie les moyens, parce que dans la vraie vie, pour moi, la fin ne justifie absolument pas les moyens. Donc, c'est l'aspect cathartique. Ça peut être aussi pour faire quelque chose de différent. Parce qu'on baigne quand même dans une société où la majorité des fictions, on va dire, c'est la disneyisation de la fiction, où tout le monde il est gentil, tout le monde il s'aime, etc. Et c'est un peu barbant de voir tout le temps les mêmes choses, de jouer toujours les mêmes choses. Et Parfois, on peut avoir envie de jouer un personnage négatif simplement pour faire quelque chose d'autre. Et en fait, tout ça m'a fait penser à quelque chose qui n'est pas tout à fait dans cette question, qui aurait dû être dans la partie précédente. Mais il y a un GN qui existait il y a quelques années, Fey Erindin, où tout le monde jouait des elfes noirs, donc des personnages méchants. Et donc, qu'est-ce que la méchanceté dans un contexte où tout le monde est méchant ? C'est aussi une question intéressante, mais du coup, elle est un petit peu à contre-temps. Alors, je voulais effectivement revenir sur les conséquences de faire un personnage méchant. Donc, par rapport à ce que vous disiez, l'isolement. Effectivement, sur un GN assez classique, sur la plupart des GN, des joueurs qui réfléchissent juste plutôt comment survivre et comment réaliser leurs objectifs, quand ils vont voir un méchant, ça va être souvent un moyen de s'unir tous contre lui. Donc ils vont sauter sur l'occasion, je l'ai vu assez souvent. Donc un méchant, ça peut être très varié, autant même quelqu'un. Ça peut être des gens très très identifiés comme des méchants, très désagréables, ce genre de choses. Ça peut être des gens dont le personnage est engoncé dans une idéologie qui bien jouée, entre guillemets, et les autres joueurs, par définition, peu importe leur personnage, enfin, par définition, généralement, pardon, peu importe leur personnage, vont avoir du mal à s'enfoncer dans une idéologie qui n'ont pas adhéré au début du GN. C'est-à-dire, si on leur commence à notamment leur présenter, par exemple, une idéologie de type chrétienne assez élevée, ou très religieuse, ce genre de choses, le type qui veut cramer tout le monde et mettre des gens sur des bûchers parce que c'est des hérétiques, il va finir comme identifié comme étant méchant, très rapidement, et ça va être l'occasion pour tout le reste du jeu de rôle dans la nature de s'unir contre lui. Bon, effectivement, là on est dans un cas d'isolement et de méchant peut-être mal dosé, ou même de méchant auquel on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne un méchant. Mais et le problème, c'est qu'une fois que les joueurs sont unis, c'est difficile de leur reprendre leur grief entre eux. Donc voilà, ça peut être effectivement extrêmement contre-productif, un méchant mal dosé. Ou un méchant qui apparaît alors qu'on ne s'y attendait pas, ce genre de choses. Donc, faut être conscient de ça, savoir le faire survivre, son méchant, savoir lui faire trouver des alliés aussi, tout simplement. Hein. Parce qu'un méchant sans alliés, c'est un méchant qui va durer une demi-heure, une heure. Il va se faire écraser par tout le GM. Et c'est fini. Donc, c'est pas tant d'exil à des alliés, faut négocier, faire de la diplomatie, ce genre de choses, ça prend plus de temps. Voilà, ça c'était pour l'impact du méchant. Et par rapport à qu'est-ce qui peut pousser à jouer un méchant, c'est une question intéressante aussi. La catharsis est une très bonne réponse, effectivement, jouer quelque chose dont on n'a pas l'habitude pour expérimenter autre chose. C'est le cas dans des gènes nordiques hein, essentiellement, c'est-à-dire jouer des personnages assez affreux ou des gènes politiques où on joue des personnages d'extrême droite, ce genre de choses. Ça permet une forme de catharsis. Ça permet aussi, comme je l'ai dit sur un précédent, connaître son ennemi. Par exemple, si c'est un jeune politique et qu'on joue quelqu'un d'extrême droite, ça met dans la peau de quelqu'un qu'on est normalement plutôt en position de combattre soi-même dans la vraie vie, qui est aussi quelque chose de plaisant. Et voilà pour mon intervention. Alors, pour ne rien changer à mes habitudes, je vais intervenir d'une façon un petit peu plus synthétique que pour rajouter des choses, on va dire. Parce qu'il y a vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup dans ce qui a été dit précédemment. Marc, tu parles de tester des mécanismes de domination, de discrimination, et finalement faire du GN un laboratoire social. Effectivement, la question du laboratoire social, elle peut s'expliquer, elle peut se justifier par ce que dit Théo, c'est-à-dire le côté connais ton ennemi, et elle peut également se justifier par une volonté individuelle d'émancipation et d'apprentissage à travers le fait de jouer un quelqu'un qui est notre méchant de tous les jours, finalement. Donc ça, je pense que ça peut être cathartique, mais aussi éducatif, finalement. Sans viser nécessairement une libération émotionnelle dans la catharsis, ça peut faire évoluer à un degré d'appropriation en fait de ces dominations et de ce qu'on peut subir dans la vraie vie. En tout cas, le GN peut peut-être permettre de se ressaisir un peu de ces questions-là. La question du plaisir de jeu, ben ouais, c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on prend son pied à jouer un méchant? On risque de se détester, finalement, autant que les autres. Je me souviens d'un GN où je jouais un personnage qui était vraiment une petite peste, quoi, qui ne supportait pas que l'attention aille ailleurs que sur soi-même, etc. Et j'ai eu ce moment dans le GN où l'attention se détournait trop de moi et je me suis dit, dans ma tête de joueuse, je me suis dit, là, la solution pour récupérer l'attention, c'était d'accuser le personnage qui était en train de me voler l'attention, donc le personnage de mon frère aîné avec qui j'étais brouillée depuis des années, etc., de l'accuser de m'avoir violée quand j'étais gamine. Et là, je pense à ça, je me dis, diégétiquement, mon personnage, là, c'est ça qu'elle fait. Et je n'ai pas pu. Et ça m'a totalement empêché, en fait, de prendre mon envol, entre guillemets, en tant que personnage, parce qu'à ce moment-là, je n'ai juste pas pu. C'était beaucoup trop pour moi, et ça ne pouvait pas être quelque chose qui était supportable, en fait. Concernant ce que disait Zandera sur le personnage désagréable qui œuvre pour le bien commun, ça, c'est un personnage qui m'intéresserait pas mal. Bon, c'est un peu l'archétype du professeur Rogue, quoi, hein. Je pense que pour jouer un personnage comme ça, il faut d'une, se préparer à prendre cher, en fait. Être vraiment dans le play to lose et se concentrer sur la possibilité d'avoir un jeu intime. Parce que, effectivement, la mise au banc, c'est un risque. Il est possible, il est même très probable qu'un personnage comme ça se retrouve avec un isolement assez intense. Mais finalement, ça peut être quelque chose de très plaisant, entre guillemets, hein, le deuxième type de fun. Les Finlandais disent ça, je viens d'apprendre ça la semaine dernière. Voilà, c'est le deuxième type de fun, c'est-à-dire que c'est pas du tout fun, t'as pris très cher, mais peut-être que tu peux prendre du plaisir dans ce ressenti-là de l'abandon, de la mise à l'écart, parce que tu te concentres sur le fait que ton personnage a un but noble et où finalement les moyens qu'il met en place en vertu de ce but-là, c'est un sacrifice de soi, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Ensuite, ce que dit Théo me fait penser à la question du bouc émissaire, en fait. C'est-à-dire le personnage qui est gentil ou neutre et qui est fabriqué comme un méchant par l'entourage. Et là, ça peut être quelque chose de très, très, très violent si, en tant que joueur ou joueuse, on n'est pas venu pour ça. Parce que, à mon avis, ça peut être quelque chose qui peut être vécu de façon très violente, comme dans la vraie vie par ailleurs, quand il y a du bashing, quand il y a quelque chose qui est fait, où on a l'impression que tout se retourne contre nous. Ça peut être très, très douloureux. Et en même temps, dans un cadre de jeu, ça peut aussi peut-être être intéressant. Cela dit, je pense que pour prendre du plaisir dans ce jeu-là, il faut avoir l'estomac bien accroché, quoi. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit mon cas, par exemple. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais, Axel, par rapport à ton exemple, par rapport à ce personnage qui aurait dû, effectivement, enfin, qui, selon toi, donc, devait dire que mentir sur le fait que son frère l'avait violé et que tu n'as pas pu. J'ai envie de revenir sur l'article que tu as partagé plus tôt, qui disait effectivement, qui conseillait de ne jamais défendre ce que son personnage, ce que le méchant qu'on a joué a fait. Et je pense qu'il y a de ça effectivement là-dedans, dans le sens où il est parfaitement compréhensible que ne voulant pas et ne pouvant pas défendre les actions que son personnage pourrait jouer, on n'arrive pas à se résoudre à du coup les faire simplement. Donc on se retrouve par un bleed-in de nouveau de ses propres valeurs, des valeurs du joueur, à ne pas pouvoir jouer son personnage. La question qui se pose alors, c'est pour moi, comment pouvoir faire une différenciation, pouvoir se mettre en distance par rapport à ce personnage pour pouvoir le jouer, et surtout, est-ce que c'est préférable, est-ce que Est-ce que c'est une bonne chose que d'apprendre à se séparer de ses valeurs pour vraiment incarner le plus possible un personnage méchant? Ou bien est-ce que quelque part ce n'est pas une sorte de garde-fou qu'il est bien qu'il est bon de garder pour ne pas tomber soit dans le bleed-out, soit très simplement dans des interactions qui ne sont plus ludiques, mais qui tombent alors dans un émotionnel qui a besoin d'être encadré de base et prévu de base par une organisation. Alors, on parle beaucoup des intérêts en termes d'interprétation de rôle, mais finalement, il y a aussi les choses. Je pense une chose à peut-être pas mettre de côté quand, par rapport au fait de vouloir qu'un joueur ait envie de jouer un personnage méchant. Je pense qu'il y a aussi le plaisir ludique en fait qu'il y a derrière pouvoir jouer un personnage qui est aux antipodes ou en tout cas qui est assez éloigné de la base morale. Mais c'est une gymnastique mentale, intellectuelle qui est intéressante parce que d'une part, il y a cette gymnastique qu'on doit pouvoir faire, tiens, comment amener les choses, et d'autre part, ben, il y a aussi, comment est-ce que je vais dire, quand on joue à contre-courant, eh ben, il faut pouvoir ruser, il faut pouvoir filouter, il faut pouvoir. Donc, en fait, ludiquement, il y a un petit peu ce côté challenge dans chacune des actions qu'on va être amené à poser, qui est intéressante en termes de jeu, en tout cas. Donc, pour moi, c'est aussi un élément qui peut être amené sur la question de pourquoi jouer volontairement des méchants en GM. Alors là, bon, j'ai plusieurs petites choses à dire assez dispersées qui reprennent différentes choses qui ont été dites précédemment. Déjà, là, sur ce que tu racontais, Axel, ton personnage, tu n'as pas pu... faire une accusation de viol, ça je comprends tout à fait. C'est-à-dire, autant je pourrais faire un personnage méchant qui fait des saloperies courantes, autant je ne voudrais pas alimenter le mythe qui fait que des tas de gens croient que les accusations de viol sont une fois sur deux un mensonge, en faisant moi-même un mensonge, même si c'est en jeu. Donc là-dessus, enfin, faire le mal, oui, mais en étant, en faisant attention à, voilà, pas alimenter non plus, enfin que ça soit bien compris que c'est quelque chose de négatif dans le contexte et pas parce que ça correspondrait à une action courante ou réaliste. Enfin, je sais pas si je suis très claire. Ensuite, bon, je reviens sur un truc qu'a dit Théo il y a déjà un moment. Oui, le fait d'avoir un grand méchant, en effet, ça représente le danger d'unifier les joueurs et de faire disparaître leurs dissensions internes. Ça, c'est en fait le problème de toute menace externe. On trouve ça beaucoup dans les jeux Medfan, old school classiques. La porte du chaos, le problème d'une porte du chaos ou d'un grand méchant, c'est que ben du coup on n'en a plus rien à faire que son voisin nous a volé un poulet, quoi. Donc à manier avec précaution en fait les grands méchants. Je pense qu'il y a une question de timing, il y a une question de proportion, et il faut voir quelles sont nos intentions par rapport au déroulé du jeu. Ensuite, le fait de jouer son ennemi un peu pour le connaître, en effet, c'est quelque chose de très intéressant, donc j'aime bien faire aussi, mais en même temps, j'ai déjà vu le cas d'un joueur qui avait joué un personnage, un financier de droite qui était totalement aux antipodes de ses convictions. Et du coup, en fait, ben, la façon dont il le jouait, c'était pas réaliste du tout. Je dirais pas que c'était caricatural non plus, mais il n'y croyait pas. Il ne croyait pas en son personnage. Or, je pense que même si on joue quelque chose de très éloigné de nos propres convictions, le temps du jeu, il faut réussir à y croire, il faut réussir à se mettre dedans. Sinon, en termes d'interprétation, ça ne marche pas. Ensuite, j'aurais voulu ouvrir une question. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour ça, mais c'était la question des moyens mis en œuvre aussi pour que le méchant soit méchant. La possibilité de torture, par exemple, ou un système oppressif. Voilà. Par quels moyens permettre la méchanceté, en fait? Alors moi, je voudrais d'abord revenir sur ce que tu disais, Cécile, un peu plus tôt par rapport donc au témoignage d'Axel sur le fait donc effectivement de ne pas faire attention à ne pas réaffirmer donc le trope selon lequel une accusation de viol sur deux est réelle. Parce qu'elle pose du coup une autre, enfin une question plus générale en fait, ce qui est à quel point est-ce qu'un méchant peut être construit pour rester dans l'univers du GN? À quel point est-ce qu'on peut le proposer sans qu'il sorte et qu'effectivement les représentations sociales réelles ne soient changées par l'interprétation que le joueur a fait d'un certain type de personnage et de certaines actions que ce personnage s'est autorisé. Elles sont importantes parce que, bah, très simplement, l'impact, alors, au lieu de devenir, au lieu de rester dans le monde du GN et de l'impacter sur l'histoire, va redéfinir les relations qu'on a, qu'on peut aussi avoir avec la joueuse ou le joueur qui s'est retrouvé dans ce rôle. Alors, je voulais intervenir sur aussi la figure, oui, la figure du méchant, qui quelque chose qu'à 10 ans derrière m'a pas mal interpellé. Aussi, il y a un méchant à faire. Bon, j'ai une idée de GN, on va dire, sur pas un méchant, mais le méchant, c'est le système de jeu. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il faudrait explorer, je pense, à réfléchir, on va dire, mais qui consiste à typiquement mettre c'est pas SOS, c'est un autre, mais SOS, c'est effectivement un bon exemple. On peut partir sur SOS. Donc, typiquement, donc, sous l'œil du super serveur, est un GN qui aura lieu en octobre de la Scénario Story, où en gros, c'est les joueurs sont des gens qui évoluent dans un système totalitaire et qui la punition, c'est généralement la mort. Et après, une fois qu'ils sont morts, ils sont reclonés et ils repartent en gros au début dans leur salle de départ. Mais le problème qu'ils ont, c'est que les règles sont fixées par une entité donc, qui a un ordinateur, qui a mis des règles qui lui paraissent totalement logiques, mais qui ne sont pas forcément évidentes, pas forcément affichées, pas forcément... Voilà. Et donc, le but, c'est qu'il y ait une oppression, donc là, de la part des personnages non-joueurs qui seront totalement invulnérables, mais par contre, qui ne réagissent que quand une règle... Donc, vraiment très algorithmiquement. Hein. Typiquement, la règle, c'est... il est interdit de sautiller à pieds joints. Bon, mettons. Hein. Ben, la personne qui sautille à pieds joints va mourir sur le moment. Ce genre de choses. Donc ça va créer une opposition vers le système. L'autre que j'avais en tête, qui est un peu plus perverse, c'est donc un peu un jeune contemporain, et il y a un impôt journalier à payer. Et faire commencer le jeu avec des énormes inégalités, bon, un peu j'ai une vraie vie, hein, mais voilà. Donc, des énormes inégalités, des gens qui ont un travail dès le début parce que leur père est chef d'entreprise, des gens qui, par contre, n'ont pas du tout de travail, doivent galérer, doivent payer un impôt immédiatement, tout de suite. Ceux qui peuvent pas payer un impôt deviennent des suppôts du système, donc soit des esclaves entre guillemets, soit tout simplement des gardiens au niveau police, au niveau répression. Et créer un système de jeu comme ça, avec quasiment pas de figure en fait très importante du méchant, mais la figure du méchant devient le système de jeu. Et en fait, ça c'est quelque chose de très intéressant. C'est voilà, se battre contre les règles. C'est quelque chose qui a exploré, je pense, au GN. Voilà. Je trouve c'est intéressant d'entendre ça parce que ça, cette proposition, la question que je me pose par rapport à ça, c'est du coup, on en revient. Donc le méchant est de toute façon une entité, c'est une entité de règles. Si les joueurs doivent se battre contre ces règles, est-ce qu'on ne retombe pas sur quelque part le fait de retomber sur le méchant le plus proche et donc les représentants de ce système? L'exemple que j'en vois, c'est tu dis qu'il y aura des PNJ pour renforcer les règles quelque part. Est-ce que c'est pas quelque part tout simplement comme dans la vie de tous les jours? Les anarchistes ont envie d'abattre le système. Les représentants du système, c'est notamment la police. Du coup, il y a beaucoup l'action de tous les jours se fait notamment par rapport à la police. Et du coup, est-ce que c'est pas simplement reporter une perception doublée contre le système et contre le représentant avec juste une action concrète contre le représentant quelque part? En voilà une question qu'elle est bonne. Alors, le méchant, est-ce que c'est le système ou est-ce que le méchant, c'est les représentants du système? C'est un bon exercice de philosophie politique, en fait. Ça se justifie tout à fait, pour moi, de créer cette ambiguïté-là en jeu, puisque comme tu le dis, alors là, tu dis les personnes qui, dans la vraie vie, essayent de s'attaquer au système, ou en tout cas visent le système, s'attaquent en vérité à ses bras armés, en fait, à ses moyens d'appliquer la force, donc moins à ses représentants, finalement, qu'à ses garde-fous. Mais finalement, dénoncer ça, c'est aussi accepter quelque chose qui est le jeu du système aussi, c'est-à-dire le système, bref. Le système fonctionne de sorte que ça fait son jeu si les gens attaquent seulement les flics, mais ça fait également son jeu si les gens n'attaquent pas les flics ou d'autres parce que c'est pas leur faute. C'est-à-dire que dans un système oppressif joue énormément sur la dilution de la responsabilité. C'est-à-dire que il est très compliqué d'identifier clairement une cible. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que on est en France actuellement autant dans la merde sans parvenir à quelque chose de vraiment, vraiment général, malgré le nombre sans cesse augmenté de foyers de lutte, parce que y a une attaque sur tous les fronts et qu'il est très compliqué de saisir un ennemi commun. Donc finalement, c'est quelque chose qui serait intéressant pour moi, ou qui est intéressant, parce que je ne vais pas mettre le conditionnel comme si ça n'avait jamais été fait, mais c'est quelque chose qui est intéressant de jouer en GN la dilution de la responsabilité orchestrée par le système de sorte à ce que finalement les personnes qui s'y opposent ne trouvent pas de prise. Et c'est également intéressant de jouer sur cette ambiguïté-là, qui est que, effectivement, si on attaque seulement les représentants, on n'attaque pas forcément le système. Mais si on n'attaque pas les représentants, qui est-ce qu'on va attaquer dans le système? Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être très très très formateur politiquement. Alors sur la dilution du système ou le système, le représentant du système qui est juste le représentant, là moi j'ai déjà eu l'occasion de jouer sur le mat de About the Boy, la ministre, qui est. Et je l'ai jouée comme ça. Sur une autre session, elle a été jouée vraiment comme méchante, antagoniste. Les gens sont retournés contre elle. Moi, je l'ai jouée plus fourbe. Et puisque ce que je faisais était vraiment horrible, mais en même temps, toujours présenté comme étant pour votre bien. Et donc, ça a été très, très long avant que les gens... se retourne contre moi, ce qui était quand même un peu le but du jeu. Hein. Et c'est une façon de jouer qui est intéressante. Mais moi, ce que je trouverais intéressant comme sur des GN où le système est le méchant, c'est que tous les personnages présents soient complices du système. Qu'ils aient tous intérêt à son maintient, tout en étant en même temps conscient que ça pose problème. C'est des gens qui n'ont pas eu le choix, mais qui maintenant, du coup, ont participé, ont fait des trucs horribles parce que c'était soit ça, soit eux, ils mouraient, mais du coup, maintenant, c'est trop tard, ils sont complices. Qui correspond à la réalité. Je repense à un cours d'histoire sur, enfin, histoire plutôt de géographie, sur l'État d'Israël, où on nous expliquait qu'en fait, le système militaire, où toute la jeunesse, hommes et femmes, font ce service militaire, ça rend tout le monde complice de ce qui se passe. Et c'est pour ça que l'opposition par rapport aux crimes de guerre qui peuvent être commis est si faible. C'est que voilà, il y a une majorité de la population, finalement, en est complice, puisqu'ils y ont participé à un moment donné. Voilà, un autre truc de système. Le système est le méchant et tous les personnages sont complices, ce serait de faire un jeu où tous les personnages sont des représentants du système. Ça, je pense que ça peut être aussi une façon d'explorer le mal en GN qui est intéressante. Alors, c'est tout à fait pour rebondir. Je trouve qu'on a des idées de GN au fur et à mesure et c'est intéressant de travailler dessus. Alors oui, effectivement, chaque joueur est représentant du système. Ce serait typiquement un espèce de gène gouvernemental ou un peu clairement un huis clos où il faut prendre des décisions les plus horribles les unes que les autres pour essayer de trouver des compromis ou ce genre de choses. Bâtir un gène comme ça en être l'auteur ne doit vraiment pas être évident. Mais au niveau badant, ça doit être pas mal. Ah si, il y a plan social qui fait ça, entre guillemets. Il y a un gène qui s'appelle plan social où à un certain moment, on nous demande de choisir entre la peste et le choléra, typiquement en étant nous-mêmes représentants d'une violence systémique. Bon, il y a des gènes qui font plus ou moins ça, mais effectivement, c'est une autre piste très intéressante. Puisqu'on en parle, je vais peut-être en profiter pour faire un petit retour d'expérience. On a organisé un jeu, effectivement, où les quatre joueurs, c'était dans le cadre d'un huis clos, jouaient des représentants de différents systèmes. Ils étaient dans une position de négociation entre eux. Et donc, en fait, c'est évidemment intéressant parce que ça permet aux joueurs, d'un point de vue pédagogique, c'est de pouvoir questionner différentes positions de la société et de comprendre pourquoi elles sont parfois défendues. Ça amène un exercice d'interprétation intéressant, de défendre des positions qui ne sont pas les siennes. Mais en fait, finalement, en tout cas pour ce que nous on a pu constater dans le cadre d'un jeu qui est basé autour de la négociation, on en arrivait surtout à une, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des mécanismes très ludiques de où le joueur doit se poser sans cesse la question à quel point est-ce que je... Enfin, le joueur, pardon, le personnage doit se poser à chaque fois la question de jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à couper, à être... je ne retombe pas sur mes mots, mais enfin, jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à remettre en question certaines valeurs. Donc voilà, c'est juste pour un petit retour d'expérience. Moi, je vais d'abord justement enchaîner par rapport à ce que disait Barreau, parce que moi, j'ai été joueur donc sur ce jeu qu'il a proposé. Et ce que je trouvais notamment très intéressant, que je vais apporter juste ici pour finir ce point-ci, c'est que ce qui était très intéressant en fait, c'était que on est parti du fait qu'on était quelque part méchants les uns pour les autres, donc on était opposés les trois autres personnes et moi, et très vite l'opposition qui nous a qui était entre nous en fait a disparu au profit d'une règle de survie. Et donc quelque part c'est devenu très humain dans le sens où on s'est dévoilé comme plus intéressé par enfin, pouvoir quelque part survivre, même si c'était aux dépens de nos idéaux, de notre idéologie. Et donc, c'est quelque part, il y a un genre de manteau de méchant qu'on abandonne rapidement pour juste redevenir des êtres humains et des gens en besoin de continuer à vivre simplement. Mais très intéressant, je le recommande. Du coup, je vais enchaîner, je vais vous relire la question pour le point 3 que nous allons commencer maintenant. Donc, toujours par rapport à l'impact, donc, la troisième question se pose par rapport aux conséquences même. Quelles conséquences sont-elles envisageables, ont-ils utiles au jeu et surtout sécurisées pour des méchants en GN? Je vous laisse la parole. Eh bien, une fois n'est pas coutume, ni même deux ou trois, on laisse la parole, je vais la prendre. Pour répondre à cette question, ou en tout cas, peut-être un petit peu extrême de parler de répondre à cette question là de suite, mais il y a effectivement un point dont on n'a pas du tout parlé jusque-là, c'est finalement les mécanismes de sécurité. On se met dans la position de jouer des choses qui sont toxiques, qui sont mauvaises, qui sont malaisantes, enfin, qui ont des tas et des tas de raisons de mal se passer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe pas mal? Là, je pense que c'est pas inutile quand on prévoit un jeu qui donne de l'importance à ça. Et je dis quand on prévoit un jeu, ça peut être très bien soi-même en tant que joueur ou joueuse, ou en tant qu'orga, c'est-à-dire quand on en tant que joueur ou joueuse, ça peut être je pense que ça peut être à l'initiative, pardon, du joueur ou de la joueuse également. Et donc établir des mécanismes de sécurité, c'est finalement d'abord se mettre d'accord avec les joueurs et joueuses dans la mesure où c'est possible, établir des limites préalables au jeu et peut-être aussi des mots-clés, il y a des moyens de checker la personne avec des petits signes, par exemple, de la main, des choses pour dire est-ce que là je te mets trop cher ou non. Donc ça, par rapport aux autres, ça peut être quelque chose de vraiment sécurisant pour à la fois ben, pour les autres qui du coup ne sont pas mis en danger et à la fois pour soi-même pour vraiment pouvoir se donner à fond dans son rôle de méchant sans craindre de dépasser les limites. Et en même temps, la question de comment ne pas prendre soi-même trop cher. Elle se pose parce que on peut finalement être dans un jeu intime qui va nous faire mal à nous-mêmes en fait en étant méchant. Et là, des mécanismes de self-checking, c'est un peu plus compliqué peut-être. Ou peut-être que la présence d'une support person, enfin une personne qui est là pour le soutien psy, peut aider. Enfin bon, ça c'est des. Je pose un petit peu ça en vrac. Je vois que d'autres personnes veulent prendre la parole à présent, donc c'est très bien, j'ai rempli mon office, c'est-à-dire j'ai gagné du temps. Je vais pas rebondir, en tout cas pas tout de suite sur ce qui vient d'être dit. J'ai plutôt peut-être amené un autre élément basé sur un retour d'expérience à nouveau. J'ai souvent eu l'occasion de réaliser des jeux avec des publics néophytes, voire parfois un public qui n'a jamais fait de jeu de rôle et qui n'est pas rôliste à la base. Et en fait, ça a l'air assez bête parfois comme chose à rappeler, mais rappeler que c'est un jeu et rappeler que ce que dit un personnage est un personnage qui le dit. Ce n'est pas le joueur, ce n'est pas le joueur qui est derrière. Parfois, est assez important pour éviter les conclusions, enfin les conséquences hors jeu. Alors, ça a l'air évident pour nous qui jouons. Ce n'est pas toujours par expérience, ce n'est pas toujours pour des néophytes et même parfois pour des moins néophytes. Je me souviendrai toujours un jour avoir discuté avec un joueur de masse LARP. Qui jouait déjà depuis 2-3 ans et qui me parlait d'autre joueur qui jouait un grand méchant du jeu de la faction chaotique et qui m'a dit ce mec est un salaud, machin, etc. Sans connaître en fait plus que ça la personne. Mais l'image qu'il avait du personnage était tellement forte que ça s'est mis à déteindre en fait sur l'image qu'il avait de la personne. Donc soyons attentifs à ça et ce sont des petites choses à rappeler qui sont nécessaires en début de jeu. Alors moi je vais enchaîner sur ce que disait Axel par rapport au fait de prévenir des mécanismes déjà en place avec tout ce qui est dans l'orga ou tout ça. Ce que je me pose comme question, enfin ce que je me dis en tout cas, c'est pas toujours possible. Je vais prendre un exemple très concret. J'ai joué dans un Maslarp médiéval il y a ça, 2 ans. Un mercenaire qui fait partie d'une troupe de mercenaires et dans cette troupe il y a eu une action, l'action d'un joueur qui a demandé punition. C'était mon personnage qui était en charge de la discipline donc qui a soumis ce personnage pardon au fait d'être battu par toute la compagnie et c'est un exemple de jeu qui aurait pu arriver à beaucoup d'autres personnes. Je pense que avec l'expérience que j'ai pu me permettre de rassurer la personne après, autant qu'avant, de lui expliquer comment ça allait se dérouler, de faire en sorte que tout se passe bien. Mais dans un Maslarp, tout le monde n'est pas formé comme cela. Comme le disait Barreau, il y a des gens dont la perception peut déteindre très fort en dehors du jeu. Ou qui n'ont simplement pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir quand ils endossent, même de manière courte, un rôle de méchant. Et donc, je pense qu'il y a une question de conscientisation en fait qui est plus générale, qui n'est pas nécessairement que par rapport au fait d'être un méchant, de se définir comme méchant, mais simplement de savoir quelles conséquences auront les actions prises en jeu. Et je pense que c'est une conscientisation qui n'est pas encore assez présente, qui a largement besoin d'être répandue et expliquée à de plus grands nombres. Voilà. Alors pour moi, là, on est sur quelque chose qui s'étend bien même au-delà du thème. En fait, tout jeu, à part éventuellement les jeux vraiment feel good et encore, présente un risque que quelqu'un se retrouve face à quelque chose de difficile pour lui, qu'un personnage qui a un antagonisme avec un autre, même s'il n'est pas un méchant, dise une phrase qui blesse, etc. Et pour ça, il existe tout un arsenal d'outils qui permettent d'encadrer cela et de limiter les dégâts. Donc il y a les safe words, les mots pour dire attention là, tu y vas trop fort, dont a parlé Axel. Mais avant même ça, déjà, je pense que c'est très important de toujours bien définir dans la note d'intention les choses qui risquent d'arriver. Même un jeu qui paraît un peu innocent, par exemple un jeu scolaire, dans un jeu scolaire, il peut y avoir des situations d'humiliation. Il faut le prévenir. Et les personnages qui peuvent se retrouver en situation d'être humiliés, il faut s'assurer qu'ils sont d'accord avec le fait de jouer ça. Un autre outil, c'est de faire un tour de table avant le jeu où chacun définit des limites particulières qu'il a et qu'il veut vraiment que les autres sachent. Auquel on ajoute la possibilité d'aparté pendant le jeu. Donc pas seulement des safe words, mais le fait de pouvoir vérifier que quelqu'un va bien ou une petite aparté pour préparer une scène violente. Pour moi, il vaut mieux qu'elle soit préparée et jouée de façon théâtrale plutôt que sur le vif. Ça a moins d'impact violent. Aussi, quelque chose qui me semble important, c'est dans une scène de violence physique ou morale, c'est la victime qui doit avoir le lead. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le préparer en avance. C'est la victime qui doit fixer les limites et pas la personne qui fait acte de violence. même si la personne qui fait acte de violence peut aussi avoir ses limites et décider à un moment donné de cesser la chose parce que c'est trop difficile pour elle. Hein. Et enfin, à la fin du jeu, c'est très important de faire des débriefs pour parler ensemble de comment on a vécu le jeu et ainsi voir que les personnes sont distinctes de leur personnage pour éviter là, ce qui a été cité, le personnage qui avait joué un grand méchant et qui était perçu comme un salaud parce qu'il n'était perçu qu'à travers son personnage. Si on fait un débrief où chacun dit, raconte un petit peu, ah ben là, moi je suis fatiguée après ce jeu, ah ben là, cette scène, c'était bien, mais c'était dur, etc. On se rend compte de quel humain il y a derrière le personnage. Voilà. Et je vais vous laisser car il est l'heure que je parte. Bonne soirée. Alors, ben, du coup, moi, j'allais justement enchaîner ce que Cécile disait, notamment par rapport, enfin, surtout par rapport au lit de la victime. Parce que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça apporte une notion où peut-être que là où on imagine que quelqu'un voudrait jouer un méchant, on peut peut-être plutôt proposer que quelqu'un veuille plutôt jouer une victime et donc demande un méchant approprié. Ce qui est une notion qui du coup, est pour moi, porteuse de beaucoup plus de choses dans le sens où le méchant ne se pose plus comme une expérience qui peut être flou quelque part, mais justement extrêmement cadré, parce que le but est d'apporter quelque chose à la victime et non pas au bourreau, donc au méchant. Voilà, je pense que c'est une vision qui peut apporter beaucoup à la réflexion. Alors, effectivement, dans les scènes difficiles, impliquant notamment une victime ou plusieurs victimes, mais enfin, prenons le cas, ouais, typiquement, ce cas-là, c'est vrai qu'on l'avait pas traité avant, une victime et un bourreau. Là, c'est très important, effectivement, en plus d'un débrief, faire une sorte de brief entre joueurs, de consentement, ce genre de choses, quitte à rompre le jeu en off, pour jouer une scène difficile. Donc, effectivement, un châtiment corporel. Faire semblant de le fouetter, faire semblant de le frapper, ce genre de choses. C'est intéressant si, notamment, par exemple, dans le cadre d'un maslarp ou dans le cadre d'un gros gène, il n'y a pas eu spécialement d'atelier avant parce qu'il y a beaucoup trop de monde, de faire une pause, de s'isoler dans un coin, faire un brief, se discuter de ce qui est possible à faire, ce qui n'est pas possible. Et de mettre en place la scène un peu avant qu'elle soit jouée. Donc là, on rentre plus dans une démarche narrative, mais je pense qu'il est assez en fait indispensable pour éviter le traumatisme le réveil du traumatisme en plus. Voilà, c'était effectivement très intéressant comme situation. On parlait des outils qui peuvent exister pour pouvoir accompagner ce genre de situation, ce genre de jeu. Dans un jeu qu'on est en train de préparer, qui n'est pas du tout un jeu à thématique lourde, on aimerait bien essayer de pouvoir mettre en place une sorte de ce qu'on appelle un socle commun. C'est-à-dire on va proposer à travers un atelier qui aura lieu bien avant le jeu et qui regroupera tous les participants, on va essayer de pouvoir préparer une sorte de base sur laquelle, ben voilà, ça c'est un petit peu ce sur quoi tout le monde, on s'accorde tous sur ce qu'on est d'accord de faire ou de vivre, quelles sont les thématiques qu'on n'a pas de problème d'aborder ou au contraire qu'on a des problèmes à aborder, quels sont les contacts physiques qu'on est prêt à avoir, ben tiens, est-ce qu'on est tous d'accord de se faire un câlin, oui d'accord, et donc Est-ce qu'on est tous d'accord d'un moment s'embrasser si la situation s'y prête? Ah oui, non, d'accord. Et donc, en fait, cette base commune n'est pas une sorte de blanc-seing pour toutes les actions qui se retrouveront sur cette base, mais c'est plutôt un outil pour rendre le jeu plus fluide et pouvoir se dire, OK, en fait, on peut mener telle ou telle action, on peut apporter tel ou tel sujet sans a priori risquer le heurte de la personne avec qui on va le faire. Et en même temps, bah, comme on dit, c'est pas un blanc-seing. Et donc, si à un moment ou à un autre, on voit que la personne n'a pas l'air bien, on se permet quand même de faire un aparté pour demander si on peut aborder le sujet ou si on peut faire l'action. Et dans l'autre sens, il y a des outils qui sont mis en place pour que bah, si la personne veut arrêter une scène qui ne lui convient pas ou quoi, eh bien, elle peut. Ce n'est pas parce que c'est dans ce socle commun défini qu'elle ne peut pas l'arrêter, évidemment. Bon, je vais prendre. Je vais continuer sur cette lancée assez intéressante de la base commune, qui effectivement, dans la pratique des gemmes que j'ai pu faire, était en fait assez absente. Mais pourtant, qui peut quand même être une chose de très intéressante pour reconnaître les limites maximales de difficulté de jeu, entre guillemets. Parce qu'en général, c'est assez compliqué. Voilà, c'est assez compliqué de savoir la limite, il faut connaître le joueur en face, et là ça permet de s'approcher un peu de cette limite. Et de faire un outil supplémentaire. Après, ouais, ça peut. Voilà, je sais pas comment vous le. Ça m'intéresserait en fait de savoir comment c'est mis en place, parce que moi j'imagine quelque chose à base de questionnaire d'inscription, donc quelles sont vos limites, et après communiquer par mail, les organisateurs font un peu un. Comment ça s'appelle? Un compendium de tout ce qui a été dit au niveau des limites. Et après, il met toutes les limites pour tout le monde dans un mail ou sur la lettre d'intention, mais ça me paraît plus compliqué parce qu'il faut avoir toutes les inscriptions. Donc, pas sur la lettre d'intention, on va dire dans un mail après. Voilà, donc j'imaginais cette méthode-là, mais ça m'intéresse de savoir comment c'est fait en général. L'outil est encore en construction, même de notre côté, mais actuellement ça va se faire en plusieurs phases. Il va y avoir effectivement une première phase du côté formulaire, même si on trouve ça assez impersonnel, ça permet d'éviter ce qu'on pourrait après appeler la pression sociale au sein d'un groupe. Il va ensuite y avoir le même exercice, mais alors en groupe ouvert, avec les limites qu'on peut connaître, c'est-à-dire que si on n'a pas envie de pouvoir avouer une de ces limites, on n'est jamais obligé de le faire, ou en tout cas, on n'est jamais obligé de les justifier. Et puis alors après, effectivement, un récapitulatif et l'opportunité aussi ben, pour les joueurs d'éventuellement pouvoir venir nous trouver un aparté pour pouvoir discuter de l'un ou l'autre point. Mais voilà, c'est encore en construction, mais c'est avec plaisir que je peux renvoyer vers ici. La scénaristerie a un petit document qui récapitule ça, quoi, une fois qu'il aura été testé et approuvé. Volontiers. Désolé pour le non plus un, mais je n'ai pas spécialement d'autres choses à dire. Donc, merci. Donc, nous en étions au fait. Nous avons parlé des mécanismes de sécurité, notamment Barreau parlait de ce projet qu'il est en train de mettre en place pour qu'il y ait une base commune par rapport aux normes, aux conséquences et les scènes qui peuvent se jouer. Théo est intervenu notamment pour parler des limites de ce genre de choses. Et là, j'ai perdu le fil aussi. Le cramoisi de la honte me ravage la face. Et oui, on disait que donc le concept de base commune, je sais pas si tu as entendu ça, Axel, c'est-à-dire demander aux joueurs ce qui est leur maximum qu'ils sont capables de supporter et que tous ces maximums-là soient mis dans des règles de jeu, vraiment. Ah, pardon, t'avais mis plus un. Je suis désolé. Non, je t'en prie, continue. Tant que t'es lancé, je peux vivre avec une place en moi. Pardon, j'ai pas fait gaffe. Il y a eu un plus un qui s'est ajouté. Je débarrassais mon assiette. Bref. Donc c'est pour résumer. Hein. Mais voilà, donc cette base commune et tous les maximums de tous les joueurs sont mis dans les règles du jeu, qui ne sont à ne pas dépasser, mais en même temps qui permettent de connaître toutes les actions, pires actions entre guillemets qu'on peut commettre à l'encontre d'un personnage sans que ça choque le joueur. En fait, ce qui permet d'éviter un brief préalable, une interruption de jeu, et aussi un aplomb et une sûreté dans le jeu, parce qu'on est sûr que ce n'est pas dans les limites. Bon, après ça c'est idéal, hein. Bien sûr, faut quand même supposer que ça peut passer à peu près et que c'était à peu près convenu par tout le monde. Bon, c'est l'idée. Mais voilà, c'était cette idée-là en tout cas. Pour glisser sur un sujet moins marrant, puisqu'on est dans les questions des conséquences, je pense qu'il est aussi bon de pouvoir rappeler que l'organisateur a une place importante dans le cadre où il y a des thématiques qui sont rudes ou dans le cadre où il y a des personnages qui sont amenés à jouer à des méchants qui vont amener certains éléments rudes en jeu. De faire attention à ce que le rôle ne devienne pas un alibi et que des joueurs ne profitent pas de l'alibi du rôle pour pouvoir avoir des actions, des actes ou des paroles qui sont déplacées. Je pense qu'il ne faut pas attendre que dans ce genre de situation, je pense qu'il ne faut pas attendre que la situation soit soulevée par un joueur et qu'il y ait un stop de la part d'un joueur qui ne peut pas supporter une action, qui ne peut pas supporter certaines paroles. Je pense que parfois, c'est aussi la responsabilité de l'organisateur de pouvoir identifier ces situations, pouvoir sortir le joueur du jeu et lui expliquer qu'il va peut-être trop loin et qu'il est invité à recadrer sa manière d'agir, voire plus loin. Alors effectivement, la question de la responsabilité, elle est très importante en fait. À qui la faute finalement? Puisque si un joueur ou une joueuse commet une action qui cause du tort de façon hors jeu en fait, à qui la faute? Certes, le joueur ou la joueuse est tout à fait coupable de cet acte-là, et en même temps, il y a un besoin d'intervention qui se fait sentir. Là, tu parles de la responsabilité de l'organisateur et effectivement, ou l'organisatrice. Effectivement, il y a une responsabilité qui est énorme et en même temps, l'organisateur, l'organisatrice ne peut pas être partout non plus. Donc, je pense que c'est important d'une part que l'orga ou les orgas ne se dédouanent absolument pas de ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il faut accepter que parfois, on fait des jeux où il y a des choses pas safe qui se passent. Je pense que c'est vraiment fondamental d'accepter ça en tant qu'orga. Moi, bon, je vais un peu raconter, remuer un petit peu la vase, quoi. Mais quand j'ai créé une asso il y a 3 ans, une asso de Trollball, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été présidente pendant 1 an. Et puis, j'ai passé la main à quelqu'un qui s'est avéré commettre du harcèlement sur certaines joueuses. Et en fait... ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a reconnu ce truc-là. On a reconnu qu'on avait merdé. On a reconnu qu'il s'était passé quelque chose. Et c'est franchement pas facile parce que ça met en péril la structure de l'association, etc. Mais c'est quelque chose qu'en tant qu'organisateur, organisatrice, je pense qu'il est fondamental de faire, c'est-à-dire reconnaître que même si on n'a rien fait soi-même, on a créé un terreau propice à ce qu'il se passe quelque chose. On a accueilli un jeu sur lequel... des événements problématiques se sont produits, etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Cependant, je pense qu'il y a une forme de responsabilité collective qui est importante aussi. Et bon, là, je mets un petit peu la charrue avant les bœufs, mais j'ai proposé sur l'Art Women Unite aujourd'hui de traduire un texte qui s'appelle The LARPing Safety Package, je pense. Donc, qui est un texte qui a été élaboré par Nina Niskanen, qui est une Finlandaise, dédié spécifiquement au harcèlement et aux situations problématiques sexuellement notamment problématiques et dans des relations de ce côté-là, qui peuvent se produire en GN. Et l'idée de ce package, c'est de d'une part, fournir des outils pour essayer de limiter les risques structurels, mais également responsabiliser à la fois les organisateurs et organisatrices et l'intégralité des participants et participantes qui, parce qu'ils sont mis en possession d'outils et de connaissances, ou en tout cas, ils sont prévenus que ces choses-là peuvent arriver, ils n'ont pas non plus d'excuses, en fait, pour ne pas intervenir. En parlant de ne pas intervenir, on va pas trop tarder à clôturer. Donc, je vais inviter, c'est Azurok, c'est Marc qui prend la suite. Donc, je pense que ça peut être pas mal de commencer à conclure là-dessus. Voilà, merci. Oui, effectivement. Enfin, en fait, je voulais enchaîner sur effectivement tout ce qui était revenir un petit peu sur les propositions de victime qui choisit son méchant, ce genre de choses. Mais effectivement, on va plus aller vers une conclusion. Conclusion que je pense qui va être un petit peu parcellaire. Donc, moi, je vais essayer de revoir un petit peu ce que j'ai réussi à noter. Mais vous êtes les bienvenus pour rajouter les choses à la conclusion. Oui, du coup, effectivement, je vais développer ça. Pom pom pom. Où est-ce que j'en étais? oui, donc on parlait effectivement des dangers des limites des dangers et de dépasser les limites. Je pense que effectivement dans ce sens le fait de, en tant qu'orga pouvoir définir ce qu'un méchant peut faire dans et pour le jeu peut déjà permettre de définir l'impact que ça peut avoir sur les joueurs et sur l'extérieur, sur le joueur en tant que sur le personnage. Et le fait de rajouter le pouvoir de la victime ou des victimes sur ce qui va leur être proposé comme méchant quelque part, permet une construction beaucoup plus safe et d'exploration beaucoup plus plaisante quelque part, parce qu'alors ce n'est pas un méchant, de nouveau comme je disais tout à l'heure, qui va proposer son rôle de méchant, ce sont les victimes qui vont dire nous sommes prêts à accepter ces conséquences, et donc par cette voie de fait, nous pouvons accepter le comportement d'un méchant qui va nous amener à ces conséquences. Alors, je reviens sur mes notes pour les trois questions. Donc, pour répéter les questions, la première question était la première étape était de définir un contexte au travers duquel on pouvait percevoir le mal et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour que les actions et les interactions aient un impact. Donc, les réponses qui ont été données étaient que il est toujours difficile de vraiment définir un mal qui ne soit pas manichéen parce que, ben, très simplement, selon les points de vue que propose l'orga et selon lesquels les joueurs se posent, on peut facilement se retrouver dans un flou qui peut être très utile de manière scénaristique ou esthétique. On retrouve effectivement aussi beaucoup de différents types de méchants dont on a parlé. Autant il y a effectivement donc les antagonistes purs et durs, le mal absolu dont on parlait. Autant il y a aussi les boucs émissaires désignés, ou encore les personnes pour qui la fin justifie les moyens. Qui sont en fait de bonnes personnes, mais dont les méthodes sont moralement réprouvées. Et donc, ce contexte dans lequel trouver le mal, il est vraiment fou. Il va dépendre en fait de la perception de chaque joueur. Pour passer à la deuxième question, qui était plutôt de la définition de l'impact recherché et de sa définition. Oui, donc on retrouvait effectivement l'aspect cathartique et la diversification de l'expérience de chacun. On peut se former à travers le fait d'être un méchant. Ou former les autres, justement. On peut jouer pour connaître ses adversaires à travers cela. Ceci dit, il y a un besoin d'y croire pour pouvoir vraiment regarder cela et vraiment retirer une certaine expérience. Et enfin, par rapport aux conséquences liées à cet impact, on peut surtout noter qu'il y a besoin de limites, de définition de limites, tant par les joueurs que par les orgas, que ce soit sur une base commune ou bien qui soit discutée ensemble ou bien sur les besoins individuels transformés en règles, en messages de la part de l'organisation. Voilà, le mal en GN, difficile à jouer, difficile à percevoir, mais intéressant et éducatif. Je vous laisse la parole si vous voulez rajouter quelque chose. Quand tu parlais quand on a tous parlé, quand on a parlé ensemble de la crédibilité du personnage, quand il joue un méchant, on avait cité l'exemple de celui qui jouait un ultra-libéraliste alors qu'il n'y croyait pas du tout et finalement ça en est quelque chose de très décousu et de très presque parodique, je veux dire. Il n'y croyait pas, effectivement, mais donc du coup, je trouve que ça soulève la question du peut-on réellement bien jouer ce genre de personnage ou si l'objectif est de pouvoir faire prendre un autre point de vue aux joueurs, du coup, est-ce que l'écriture ne revient pas à l'organisateur? Voilà, c'est juste une réflexion comme ça. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous pour les discussions de ce soir qui étaient très intéressantes. Je vous propose de conclure là-dessus et de se retrouver le mois prochain pour un nouveau live Sénat. Donc, je vous invite à faire des propositions de sujets dans le canal texte. Et évidemment, il est possible de récupérer les sujets qui ont été proposés la dernière fois, mais pas mis en application pour les soumettre à nouveau au vote. Je vous remercie.